Le groupe Bellucci, votre spécialiste en sanitaire, chauffage, plomberie, partenaire des services des sports de Fly FM, vous offre ce programme. Fly FM présente Top Chrono, le magazine des sports avec Fred et l'équipe des sports. Bonsoir, bienvenue dans Top Chrono week-end. J'espère que vous avez passé une belle journée. Eh bien, écoutez, maintenant 1h30 de sport, on va laisser tomber un petit peu la musique, mais vous retrouverez les meilleures dites juste après cette émission. Pendant 1h30, le long film du sport va se dérouler tout au long de cette émission dans Top Chrono. Et avec nous, on est très heureux de l'avoir avec nous, parce qu'habituellement, il s'appelle Bibi Bougon. Bonsoir, Bibi. Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que tout le monde a bien surfé au niveau sport ce week-end. Alors, on y fait une place au soleil, parce que d'habitude, il est en retard, monsieur Bibi Bougon. Mais on se retourne tout de suite à la technique, car si se venait à se fâcher, il n'y aurait plus d'émission. C'est pour ça que nous allons voir si Gilles va bien. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Gilles. Bonsoir Fred, tout va bien. Et notre amie Monique, la voix féminine de la technique. Salut Fred, salut tout le monde. Et on va passer avec mon acolyte qui a été tout le week-end avec moi, encore une fois. C'est mon ami Jean-Yves. Bonsoir Jean-Yves, il va y avoir des choses à dire ce soir. Bonsoir Fred, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Ouais, je crois qu'on va avoir quelques sujets délicats, Fred, ce soir. Et puis la ravissante Marie, que vous retrouverez bien sûr dans quelques secondes. Bonsoir Marie. Bonsoir à tous nos auditeurs. Salut l'heure du sommaire avec Marie. Alors, aujourd'hui, il y aura du rugby à 13. Le SOA a fait le boulot à l'extérieur. Entraigues, c'était du bon ou très bon ce week-end? Résultat et réponse dans un instant. Basketball National 1, le SAP n'était pas la reine du soir. Dans la salle de la plaine sportive de Sorgue, excusez-moi. Handball, féminine, National 3 et pré-national, tous feux sont ouverts. Une super soirée, peut-être nous aurons Carl Vincenot au téléphone pour commenter les résultats. Rugby à 15, pas bon du tout en fédéral 2 et 3. Résultats et commentaires sur cette journée de championnat. Football, nous aurons des résultats de la journée championnat et US Le Pontet qui est au fond du puits. Athlétisme, Bibi Bougon à fond après le championnat de France de cross-country dans le Nord. Le rallye de Vaison, bien sûr, la 34e édition, un super plateau avec des super autos. Un succès assuré. Retour sur cette course avec Fred et Jean-Yves. Et ensuite, nous aurons Florian Bernardi, qui est un pilote de voiture de rallye. Voilà. Super. Top Chrono, rugby à 13. Allez, on va démarrer un petit peu avec le rugby à 13. C'est vrai qu'on a été très heureux des résultats qui nous sont arrivés dimanche au soir, puisque bien sûr, dimanche, on était plutôt la tête dans les pneus et ça sentait l'huile brûlée. Et le rallye de Vaison, 34e du nom, nous a tenu en haleine tout au long de cet après-midi. Par contre, la belle chose, Jean-Yves, c'est que le rugby à 13 nous a apporté que de bons résultats. Ouais Fred, effectivement, le rugby à 13 vauclusien se porte parfaitement bien et c'est parfaitement bien encore pour comporter ce week-end, puisque le SOA est allé s'imposer sur la pelouse de Palau en territoire catalan. Il n'est jamais très facile d'aller s'imposer à Palau, même s'ils sont avant-dernier de ce championnat. C'est une petite équipe, mais le SOA a éprouvé toutes les peines du monde à s'imposer à Palau. Ils ont réussi à s'imposer quasiment sur la cloche. Toujours est-il que le SOA s'impose sur le score de 28 à 22 en terre catalane. Ça permet à nos amis avignonnais de se replacer en quatrième place, sachant qu'ils ont joué un match de plus que les Catalans de Saint-Estève, 13 Catalans, qui ont un match de moins. Mais bon, plus que jamais, la quatrième place est d'actualité pour nos amis avignonnais. Voilà, c'était ce match en retard qui leur permet de s'assurer cette quatrième place, il me semble. Elle n'est pas encore assurée, la quatrième place, parce qu'il y a encore, quelques matchs. Mais en tout cas, on s'en rapproche. Et puis, on n'est pas très loin là sur le coup. Ce soir, Avignon est quatrième, mais ils ont joué deux matchs de plus que Saint-Estève 13 Catalan. Toi qui es spécialiste du 13, la surprise, je ne sais pas, quand je regarde un petit peu ce championnat, quelque chose est un petit peu étonnant, c'est le 13 Catalan qui a du mal et qui est cinquième. Bon, certes, ils ne seront peut-être pas rejoints, mais je les voyais en meilleure position. Alors, regarde, si tu regardes la colonne à côté, sur les matchs joués, ils ont joué que 13 matchs, alors qu'Avignon en a joué 15. D'accord. Carca, Limoux en a joué 14 et Lézignan qui caracole en tête en a joué 13 aussi. Donc peut-être qu'il faut remettre les choses à leur place. La quatrième place, est à l'horizon. Ça me paraît compliqué malgré tout pour nos amis avignonnais, mais pourquoi pas. Bon, eh bien, très bien, on sera très attentif. Par contre, l'élite 2, L'élite 2, c'est la bonne surprise du week-end, puisque nos amis d'Andrègue devaient absolument garder leur chance intacte en allant s'imposer à l'extérieur. Ils l'ont fait, ils sont allés s'imposer à Lyon sur le score de 26 à 30 dans les prolongations. Tu sais, Fred, qu'à 13, il n'y a pas de match nul. Et qu'à la fin du temps réglementaire, on joue une prolongation, une espèce de mort subite. Et bien, tant mieux, parce que ce coup-ci, ce sont les Andrégois qui ont marqué à la mort subite. Ils n'ont pas transformé le dernier essai, mais ça leur permet de s'imposer sur le score de 30 à 26 en terre lyonnaise. Excellent résultat, puisque ça permet aux Andrégois de se replacer, eux, par contre, à la quatrième place devant Andrègue avec devant Carpentras avec deux points d'avance sur Carpentras. Le même nombre de matchs joués, enfin ça s'équilibre à peu près. Et ben voilà, Bao premier, 28 points, 12 matchs. Lescure, 27 points, deuxième, avec 12 matchs aussi. Villefranche d'Aveyron, 26e, 3 points, 26 points, troisième, mais ils ont joué que 11 matchs. Et par contre, Andrègue, 25 points, quatrième. Carpentras, cinquième, 23 points et 12 matchs pour les deux. Ça donne de l'espoir aux Andrégois qui n'ont plus que deux matchs à jouer. Il y en a un très prochainement au mois de mars, me semble-t-il. Et le match que tout le monde attend, c'est le 9 avril. Celui-là, il va pas falloir le rater. Non, on sera là puisque ça passera au Stade Moreau en Andrègue. Les deux qui leur restent sont programmés au Stade Moreau. J'étais en train en même temps que je te parle de regarder les dates puisque Alain me les a envoyées hier soir. J'ai simplement mémorisé le 9 avril, Andrègue et Carpentras qui va valoir son pesant d'or, probablement. Pour une suprématie en Élite 2 en Vaucluse. Il y a très longtemps qu'on n'avait pas subi une telle, on va dire, affrontement pour pouvoir être le leadership du Vaucluse en Élite 2. C'est pas mal. Ouais, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour les Andrégois qu'on n'attendait pas à pareille fête l'année de leur montée. Les Carpentrassiens, eh bien, on avait un doute, hein, puisqu'ils avaient fait une saison un peu compliquée la saison dernière. Et puis là, ils sont dans le truc, ils sont dans le coup malgré tout. Donc voilà, Alain me disait hier soir que cette équipe était bizarre parce qu'ils étaient capables d'aller gagner à l'extérieur, faire des coups extraordinaires. Ça laisse augurer de bons moments pour les phases finales en tout cas. Eh bien, on y sera. Top chrono, basket. Basketball, et oui, hier soir, comme disait Marie en intitulé, mon cher Jean-Yves, c'était pas la reine du soir dans la salle de la plaine sportive de Sorgue pour le SAP d'Avignon qui a accusé une défaite des plus cuisantes après ce qu'ils nous ont prouvé en début d'année, en janvier, en février. On espérait enfin qu'ils allaient sortir la tête de l'eau. Non, ils se sont mis le feu hier soir. Ouais, c'était un match à 100 points, Fred. Hein. C'était le match qu'il ne fallait pas perdre, puisque il fallait absolument gagner ce match pour passer devant leur concurrent direct au classement. Et ben voilà, ce match-là, les Avignonnais ne l'ont pas gagné pour plein de raisons. On va y revenir si tu le veux bien. Mais les Avignonnais, enfin, les sapistes, faut-il dire, qui recevaient Rennes, concurrent direct pour la descente. Ben voilà, les sapistes n'ont pas réussi à gagner ce match. Ils ont été pris à la gorge quasiment d'entrée par ces Bretons. Et puis ils n'ont pas réussi à s'en sortir. Tant et si bien que ce soir, le SAP est dernier, puisqu'on ne va pas compter le centre fédéral. Je te propose juste, avant de continuer, de venir s'étaler sur ce match qui a été vécu en direct par nos auditeurs, puisqu'on était en direct de la salle sportive de Sorgue samedi soir. Voyons avec Marie ce qu'il a été de cette journée de championnat 25e du nom. Alors, Andrézieux Griez, Oberhofen 85-83, Caen Lorient 97-92, Rueil Chaland 81-85, Angers Jet Vosges 84-76, Tarbes Lourdes Saint-Vallier 89-81, Chartres Orchy 90-82, Grand Avignon Sorgue Rennes 74-87, Vitré-Quimper 63-73 et Souffelway Centre Fédéral 98-52. C'est Caen qui est premier et Grand Avignon-Sorgue se situe 17e sur 18. Voilà, on peut revenir sur cette soirée, cette 26e journée de championnat qui a été donnée par Marie pour les résultats. On peut revenir sur cette équipe du SAP d'Avignon qui, maintenant, il va falloir tout donner. Il reste 8 matchs, mais ça m'a l'air bien compliqué. Hier soir, je faisais un petit peu mes calculs, comme tout le monde a dû sortir un petit peu ses calculettes. Et il va falloir être très fort pour pouvoir peut-être battre, hein, et surtout ne pas perdre à domicile, parce qu'il y a des équipes qui vont venir chercher des points à sauver. Le seul problème, Fred, c'est que là, ils attaquent leur... on va dire que c'est les play-offs qui attaquent maintenant pour le SAP. C'est pas les play-offs pour monter ou pour être champion de France, c'est les play-offs pour ne pas descendre. C'est des matchs qui sont autant importants, qui sont aussi difficiles à jouer, si ce n'est plus, parce que là, tu joues ta survie en élite, en National 1. Et manque de peau, ils attaquent leur play-off par un déplacement qui a démarré aujourd'hui à Orchy, dans le Nord. Ils y sont aujourd'hui et ils jouent demain soir contre cette équipe d'Orchy. Cette équipe d'Orchy qui est sixième au classement, qui va avoir besoin de gagner dans sa salle pour se qualifier. Donc là, autant te dire que ça va être la guerre contre les joueurs d'Avignon. Ensuite, ils vont recevoir une paire de fois. Dans tous les cas, il va falloir... J'ai regardé Kemper, ils vont recevoir que des solides qui sont, qui ont besoin de s'assurer. Il va falloir maintenant ne plus perdre à la maison et aller en choper un, voire deux à l'extérieur. Si tu en chopes un, tu es pas maître de ton destin. Si tu en chopes deux, tu peux espérer être maître de ton destin. Ça me paraît très compliqué. Les quatre derniers descendent. Et en plus, au vu de ce qu'on a vu samedi soir, tu étais avec moi, on l'a commenté en direct. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Alors, soit il y a une énorme prise de conscience de la part de certains joueurs et ils vont y arriver à s'en sortir. Mais au vu, encore une fois, de ce qu'on a vu samedi soir avec des mecs... Mais je te propose, juste avant de continuer ton analyse, je te coupe, excuse-moi, parce que tu vas rentrer dans une analyse, après on ne pourra plus écouter les sons, puisqu'on aura eu pratiquement tout en détail avec toi, mais je te propose d'écouter quand même l'entraîneur Sanz, que tu as eu à la fin du match. Lui va revenir sur cette défaite, et tu pourras pouvoir à nouveau appuyer un nouveau commentaire. Pour essayer de passer devant, pour vraiment prendre confiance... Eux ont fait un match solide. Voilà, le début quatrième carton, c'est une équipe qui a accroché tout le match. L'arbitrage a un petit peu tourné, mais c'était prévisible parce qu'ils étaient hyper agressifs depuis le début. Malheureusement, on n'a pas su faire front à ce moment-là et on a couru après le score. C'est vraiment frustrant parce qu'on était sur une bonne dynamique à la maison et on n'a pas réussi à la maintenir. On a subi un peu la pression défensive dans le quatrième carton et voilà, on a craqué à ce moment-là. Oui, ça a été compliqué, mais de toute façon, on savait qu'en reprenant sur les 9 premiers matchs, on avait investi à l'extérieur. C'est sûr qu'il y a une forme d'usure. Hein. On a travaillé énormément pour essayer de se remettre à niveau, de recoller un petit peu. On paye peut-être le contre-coup. Maintenant, je pense qu'il y avait la place quand même pour passer ce soir, donc c'est frustrant par rapport à ça. Comment tu vois la suite? Et après, on va te laisser tranquille. Franchement, comment tu vois la suite de la saison? Ça va être compliqué maintenant. Mais la suite, elle est simple. En National 1, chaque semaine, on a un match à jouer, un match compliqué. Donc on va préparer le prochain match compliqué en essayant de faire un coup. Et on fera les comptes à la fin. Il n'y a que comme ça que ça peut fonctionner de toute façon. Donc voilà, on a 3 jours pour se remettre la tête à l'endroit. Essayer d'aller faire un coup à Orchy, qui a une belle équipe. Voilà. Voilà, je crois que le... Il était un petit peu embarrassé par tes questions, hein. Il a essayé d'y répondre, mais il a très bien compris que le mal est en train, est pas incurable, mais il y a un mal qui est en train de les ronger, et il va falloir crever l'abcès, c'est compliqué. Il y a plusieurs problèmes. Alors on peut d'abord expliquer le match de samedi soir par la débauche d'énergie que ces mecs-là ont fait en décembre, janvier, pour se remettre dans le bon sens. Donc ça, c'est un état de fait. Les mecs ont fait de tels efforts qui sont un peu cramés, on peut l'expliquer. Il y a un autre état de fait, et ça, celui-là est bien plus compliqué, c'est qu'il y a des mecs qui font pas le job. Il y a des mecs qui se cachent. On parlait hors antenne de Lopez, par exemple. On va le citer, hein, puisqu'il a... il joue intérieur, donc dans la raquette, il devrait être à la mine. Il attaque... Le quatrième carton avec une faute au compteur. Donc lui, déjà, il devrait être à 3 ou 4 au minimum. Il devrait scorer. Il score 2 points. Et puis voilà, après, il y en a d'autres. Hein. Il y en a d'autres, on pourrait en citer plein. La meilleure éval, elle est à moins de 10. sur la soirée de samedi soir. Et puis tu peux pas t'en sortir comme ça. Il y a des, je te le faisais remarquer en direct pendant le match, ils attaquent le troisième quart-temps avec chacun une seule faute au compteur. C'est ça, ça quand les Rennais qui étaient venus faire la guerre, eux par contre avaient des mecs à 3-4 fautes. Et puis ils étaient malins, ils allaient faire leur faute pratiquement dans le camp de l'adverse. Ils ont fait le job. Comment ça, au moins ils ont juste fait le job. Enfin, tu sais, ils étaient venus. C'est des matchs où il faut faire la guerre. Tu fais pas la guerre avec des gentils mecs, on le sait, quel que soit le sport. Quand tu vas à la guerre, tu peux pas la faire avec des mecs qui sont gentils, qui agressent pas. Non, quand il s'agit de te sauver, qui plus est dans ta salle, ben, il faut être prêt à crever sur le parquet. Et l'autre soir, mis à part peut-être un ou deux mecs qui, d'après moi, sont ressortis du lot, je pense notamment à Antoine Lurel et à Jäger. Ouais, Jäger qui est éternel, hein, qui voilà. Reste ce qu'il est, hein, il donne à fond. Mais, hein. Mais tous les autres ont pas fait le boulot, tout simplement. Donc, il faut défensivement, on a vu des garçons qui attendaient tranquillement que ça se passe. Défensivement, et puis même en attaque. Les types, ils n'étaient pas du tout investis, ils n'étaient pas impliqués, ils n'étaient pas. Alors après, ben voilà. Eh bien, je te propose d'écouter Antoine Lurel, et lui, il va revenir un petit peu sur ce que tu as dit. Et après toi, tu finiras pour le basketball. Soirée très compliquée. On a l'impression que vous n'avez jamais été en mesure de revenir face à ces Rennais qui vous ont rentré dedans ce soir. Est-ce que c'est ton ressenti aussi ? Oui, complètement, c'est mon ressenti. Ils ont pris le match par le bon bout. Ils commencent le premier quart temps en étant agressifs défensivement, en faisant beaucoup de fautes qui ont été même sifflées parfois, mais ce qui fait que l'intensité qu'ils mettent, l'énergie qu'ils font, nous on n'a pas su y répondre. On répond un petit peu dans le deuxième, on dépense beaucoup d'énergie pour revenir dans le match, et à la fin c'est mérité parce que l'énergie qu'on a nous dépensée pour revenir un petit peu à les accrocher, je pense qu'on manque de ça en fin de match. Et c'est totalement mérité. Rennes mérite cette victoire. Ils ont mené du début à la fin. À nous de nous remettre en question sur l'investissement qu'on doit avoir, le nombre de fautes qu'on doit faire individuellement, le sacrifice qu'on doit faire pour l'équipe, qu'on avait au mois de janvier, qu'on avait au mois de février, qu'on retrouve plus. Alors peut-être qu'on a pensé à un moment être sauvés parce qu'on jouait un peu mieux au basket, qu'on partageait un peu plus la balle. Mais on a sans doute oublié ces basiques au basket de partage. Tu parlais de sacrifice, ce sera ma dernière question. On a l'impression justement qu'ils ont fait plus de fautes que vous, ils ont plus osé. Oui, exactement, c'est ça. Quand je parle de sacrifice, c'est notamment ça. C'est quand je rentre sur le terrain, c'est tout donner pour que, collectivement, je puisse être important à l'équipe en défense. C'est-à-dire venir au bon moment, venir faire une aide. Parfois faire une faute pour l'équipe, empêcher que le maître marque un panier facile. Ça, c'est des notions de sacrifice. Je rentre, je fais des fautes pour l'équipe. On est tous à une faute, comme tu dis. Et eux rentrent sur le terrain. Tu sens qu'ils ont envie de tout donner. Si il doit faire deux fautes de suite, il fait deux fautes de suite. Le joueur qui vient d'entrer et il ressort. Mais en attendant, nous on n'a pas marqué. Et donc voilà, le sacrifice c'est ça. Et ça doit, on doit en prendre en compte et ça doit changer à chaque match. Mais on doit ça, nous le réaliser et en prendre conscience du sacrifice nécessaire dans ce sport. Le maintien est encore envisageable, possible. Oui, c'est possible, on le voit chaque saison, on le voit chaque week-end, il y a des résultats. Maintenant, c'est à nous d'en prendre conscience, de peut-être retirer la sonnette d'alarme. Il faut vraiment qu'on en prenne conscience quand on vient travailler, qu'aujourd'hui, le club est en péril, le club est en difficulté. Mais voilà, il faut qu'on se remobilise pour prendre conscience de cette difficulté dans laquelle on est et de cette situation.